Comment Poutine a-t-il pu annexer la Crimée ? Lorsque les Parisiens empruntent le boulevard Sébastopol, l'avenue Malakoff, quand ils traversent le pont de l'Alma ou quand ils s'engouffrent dans les stations de métro qui portent ces mêmes noms, savent-ils que ceci évoque des événements historiques qui ont un lien avec notre actualité ? Ces lieux sont situés en Crimée, dans cette partie de l'Ukraine que Poutine a annexée en 2014. À la fin du XVIIIe siècle, Catherine II, l'impératrice de Russie, a occupé cette presqu'île qui était jusque-là sous la coupe de l'Empire ottoman. Comme la Crimée était une importante tête de pont pour la marine marchande russe, qui désirait ardemment accéder aux mers chaudes, Catherine II fonda le port de Sébastopol, puis se lança dans une politique de christianisation et de russification de la population au détriment des Tatars musulmans qui furent persécutés. Au début du XIXe siècle, la déliquescence de l'Empire ottoman favorisa les entreprises impérialistes des tsars, à tel point qu'en 1850, la Russie contrôlait tout le pourtour nord de la mer Noire, depuis les bouches du Danube jusqu'à la Géorgie. Pour contrer cette menace grandissante, le sultan de l'Empire ottoman déclara la guerre à la Russie en octobre 1853. Son armée ayant subi plusieurs défaites cuisantes, les puissances occidentales, qui craignaient l'effondrement total de l'Empire turc au profit de la Russie, apportèrent leur soutien militaire au sultan en attaquant la base navale de Sébastopol où se trouvait la flotte russe de la mer Noire. En septembre 1854, les forces alliées battirent les Russes lors de la bataille de l'Alma et commencèrent un long siège de Sébastopol qui se solda par la conquête du bastion de Malakoff. Les Russes capitulèrent et acceptèrent de signer le traité de Paris le 30 mars 1856. Ce traité n'ayant pas entraîné de modification territoriale en Crimée, la presqu'île resta sous le contrôle russe, mais sa flotte fut démantelée. Les conséquences de ce conflit furent très importantes. La guerre de Crimée est parfois considérée comme la première guerre moderne, car ses protagonistes mobilisèrent de nouvelles technologies, comme les bateaux à vapeur, le chemin de fer, les fusils à canon rayé, le télégraphe et la photographie. Chacun des pays engagés dans le conflit en fut affecté. La Grande-Bretagne conforta sa suprématie dans le domaine maritime. Napoléon III tira profit d'une victoire qui permit à la France de sortir de l'isolement diplomatique dans lequel elle avait été placée depuis le Congrès de Vienne en 1815. En Russie, la guerre fut vécue comme une profonde humiliation, générant une forte rancœur envers les puissances occidentales qui avaient pris le parti de l'Empire ottoman. En 1954, la Crimée soviétique fut rattachée à la République socialiste d'Ukraine à l'occasion du 300e anniversaire de la réunification de la Russie et de l'Ukraine. Elle proclama son indépendance le 11 mars 2014, mais dans un pays où seulement 15% de la population se considère comme ukrainienne, les tendances séparatistes et pro-russes facilitèrent les entreprises de Vladimir Poutine qui aboutirent au rattachement de la Crimée à la Russie.